Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de ce 22 décembre 2016. Et en voici tout de suite les grandes articulations. Le porte-parole de la police nie toute implication des éléments de secours dans la destruction ce matin de la vingtaine de maisonnettes à la plage dite Cadillac, au bord du lac Tanganyika. Les personnes qui y avaient élu domicile depuis une période de 20 ans disent n'avoir pas été averties de ce déménagement forcé et ne cachent pas leur colère. Ils soupçonnent que cet espace aurait été attribué à un opérateur économique, ce que dément toujours Pierre Mouriki. Le ministre de la Sécurité publique estime que les gens ne devraient s'étonner outre mesure des armes lourdes portées par des agents de la sécurité des hautes personnalités. Alain-Guillaume Bougnoni déclare qu'il en va même de la sécurité de toute la population, vous l'entendrez. Et sur un autre registre, le ministre Bougnoni appelle les forces de l'ordre et l'administration à arrêter sans délai les voleurs se faisant passer pour des agents de la commune Nangwa pour percevoir des taxes. Et dans les nouvelles des provinces, le gouverneur de la province Karouzi a ordonné ce mercredi la suspension de la construction d'une usine d'eau de pulpage de café au niveau de la commune Chombo. Comme constaté par les services administratifs et sécuritaires de la localité, cette infrastructure menace la route reliant la province de Karouzi à celle de Muyinga. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Cela fait exactement 5 mois que l'on est sans nouvelles de notre confrère Jean Vigilimana du groupe de presse Iwachu. Il a été enlevé en zone Bugarama, en province Muramvya. C'était exactement le 22 juillet de cette année. Les organisations de défense des droits de l'homme et particulièrement des journalistes, tant national qu'international, n'ont cessé de demander de la lumière sur cette affaire qui se trouve dans les mains de la justice burundaise. Et les gens ne doivent s'étonner outre mesure des armes portées par les forces de l'ordre qui protègent les institutions. C'est le ministre de la Sécurité publique qui l'a dit pour répondre aux critiques des personnes qui estiment contradictoires les armes portées par les forces spéciales et la paix dont on dit qu'elle règne dans tout le pays. Alain-Guillaume Mouignoni ajoute que d'autres mesures contraignantes peuvent être prises en cas de nécessité pour protéger notamment la population des drames qui suivent les attentats contre les hautes personnalités. Suivez-le. Pour nous, au ministère de la Sécurité publique, on ne trouve nullement pas de contradiction dans cela. Nous savons que notre pays a connu des attaques, des insurrections, tentatives de coup d'État, donc une perturbation accentuée de la sécurité. Et les forces de défense et de sécurité ont pris les mesures nécessaires pour protéger les populations, protéger les biens de l'État, protéger les institutions aussi. Donc, que des mesures spéciales soient prises aujourd'hui pour prévenir un retour immédiat dans la situation d'insécurité qui a caractérisé notre pays il y a une année, cela devrait être compris par tout un chacun parmi nous. Parce que parmi les armes et les équipements qu'ils transportent des fois sous un soleil accablant ou sous une pluie abondante, c'est du matériel à risque qui peut causer la mort ou la lésion corporelle de celui qui porte cette arme. Donc ce n'est pas par plaisir que ces membres-là prennent le risque de garder avec eux permanemment ces armes malgré le risque qu'ils encourent. Et attendez-vous aussi à d'autres mesures beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus spéciales en cas de besoin. Parce que tout a été prévu pour ne pas retourner dans la situation d'insécurité que nous avons connue en 2005. Le ministre de la Sécurité publique qui appelle les forces de l'ordre et l'administration à arrêter les voleurs qui perçoivent les taxes en commune Nahangwa en se faisant passer pour des agents de la commune alors qu'ils ne le sont pas. Le ministre Alain-Guillaume Bougnoni indique que les percepteurs de taxes et impôts sont connus et interpelle l'administration donc de cette commune et la police à stopper immédiatement ce phénomène. En demandant à l'administration, cette dernière dit qu'elle ne connaît pas ces gens. En un mot, si ces gens ne sont pas connus par l'administration, il ne faut pas chercher à les baptiser autrement. Ce sont des voleurs. Alors, si un cas pareil existe en commune Nahangwa, c'est une occasion pour moi de faire un clin d'œil à l'administration et aux forces de l'ordre d'agir contre ces gens. Parce que nous savons, nous tous, les organes et les institutions habilités à collecter les taxes ou les amendes pour le compte du trésor public. Si les gens qui font cette activité de collecte de l'argent ne font pas partie de ceux qui sont autorisés à le faire. Il faut arrêter cela immédiatement. Le ministre de la Sécurité publique, Alain Guillaume Wunyoni. Une vingtaine de maisons sur 30 ont été brûlées très tôt le matin de ce jeudi et d'autres ont été détruites par les policiers à la plage dite Cadillac, au bord du lac Tanganyika. Les pêcheurs ainsi que d'autres personnes qui exerçaient diverses activités génératrices de revenus ont été sommés de quitter cette plage. Ils indiquent cependant avoir été chassés de ce site qu'ils occupaient depuis plus de 20 ans sans en avoir été informés. Évariste Zikobanyanga. C'est aux environs de 5h30 ce jeudi que les policiers ont fait irruption à la plage dite Cadillac et ont commencé à brûler et à détruire les maisonnettes qui servaient d'abri aux pêcheurs et à ceux qui y exerçaient les activités génératrices de revenus, notamment la vente des boissons et de nourriture, indiquent les victimes rencontrées sur place. Après cela, les pêcheurs ainsi que les propriétaires des petits bistrots et restaurants ont été sommés de quitter l'endroit sans rien demander. Ce pêcheur vient de passer 20 ans à la plage dite Cadillac, il indique avoir mal accueilli cette mesure. J'ai mal accueilli cette mesure. Nous avons été surpris par la présence des policiers. Tous nos biens ont été calcinés. Moi, je n'ai rien récupéré dans ma maisonnette, de même que pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Cette plage est reconnue par la loi. Nous n'avons pas été informés sur ce refoulement et on ne nous a pas montré un autre endroit où l'on va continuer à exercer nos métiers. Ceux qui vendaient la nourriture cuite sur place et diverses boissons s'indignent également. Cette femme indique n'avoir pas où donner de la tête après ce refoulement. Francine Bukuru faisait la cuisine dite Mamanitilié en provenance de Gatumba. Moi je faisais de la cuisine pour faire vivre ma famille. Mais aujourd'hui, on n'a même pas préparé ce que l'on a pris à crédit. Les policiers nous ont intimé l'ordre de ne rien faire à cet endroit et nous ont demandé d'aller ailleurs. Certains propriétaires n'ont rien récupéré. Ils nous ont dit que ce site appartient à l'État. 20 maisonnettes sur 30 ont été brûlées, d'autres détruites par les policiers, selon certains propriétaires qui disent n'avoir pas été consultés avant d'être chassés de cet endroit. Merci Évariste pour ce reportage. Et Gabriel Boutoyer, représentant la Fédération des pêcheurs et des fournisseurs de poissons au Burundi, trouve non fondé l'agissement de la police de les chasser de ce site de façon précipitée. Celui-ci pense que cet espace aurait été attribué à un opérateur économique. Suivez-le. Il a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. On n'a pas été informé sur cette situation. Les pêcheurs m'ont informé ce matin qu'à la plage de Cadillac, on trouve beaucoup de policiers qui sont en train de brûler, de démolir les maisonnettes qui se trouvent là. Quand même, ça, c'est pas une démarche à utiliser. Vous savez, brûler, démolir, au moment où on allait quand même nous donner un bon temps, un bon moment de pouvoir quand même déménager le site. Est-ce qu'on vous a signifié pourquoi on vous a délogé de cette localité, de cette plage? On nous a pas du tout signifié, mais selon la lettre du ministre de l'Environnement, on signale que c'est à cause de l'insécurité, c'est à cause des mouvements non contrôlés des pêcheurs qui se trouvent sur ce site. Mais quand même, on allait organiser des réunions, on allait nous informer le ministère tutelle de l'agriculture. Mais ils sont venus ce matin en utilisant beaucoup de force, alors qu'on allait quand même quitter ce site en bonne forme. Des inquiétudes ne peuvent pas manquer. Nous avons des soupçons que ce site peut être attribué à quelqu'un d'autre. Des inquiétudes ne peuvent pas manquer. Et le porte-parole de la police rejette en bloc ces accusations des pêcheurs qui campaient à la plage dite Cadillac, comme quoi ce sont les agents de la police qui ont brûlé et détruit leurs maisonnettes. Pierre Nkurikiye souligne plutôt que ce sont ces pêcheurs même qui ont détruit leurs maisonnettes. Le porte-parole de la police dément également ce qui est dit par le président de la Fédération des pêcheurs qui déclare n'avoir pas été au courant de la décision du ministère de l'Environnement de les chasser de cet endroit. Aujourd'hui, la police avait été réquisitionnée par le ministère de l'Environnement pour pouvoir faire dégager les pêcheurs et d'autres gens qui habitent illégalement à cet endroit appelé communément Cadillac. La tâche policière a été bien exécutée. La police a ordonné à ces gens de dégager. Et puis eux-mêmes ont détruit, ont démoli les maisonnettes. sans qu'un seul policier puisse toucher à cette dernière. Et le travail a été bien accompli. Côté police, vous niez catégoriquement que ce ne sont pas les policiers qui ont brûlé, incendié certaines des maisonnettes. Aucun policier n'a mis le feu sur une seule des maisonnettes. Et ils se sont eux-mêmes exécutés parce qu'ils étaient avertis il y a plus de 2 semaines. Et c'est pourquoi d'ailleurs il n'y a pas eu de résistance, parce qu'ils connaissaient le bien fondé de la décision. Et donc, qui émanait de cette décision? La décision que la police faisait appliquer avait été prise par le ministère de l'Environnement et était contenue dans une lettre qui avait été adressée et bien explicitée devant ses habitants il y a 2 semaines. Et même le représentant des pêcheurs qui s'est exprimé au cours de la mi-journée avait été bien au courant de cette information il y a 2 semaines. Nous sommes étonnés de l'entendre dire qu'ils ont été chassés avant qu'ils ne soient avertis. Pierre Nhurikiye, c'est le porte-parole de la police nationale. Il était au téléphone avec Evariste Nzikobanyanga. Et les expulsés de Kagaragara village se trouvant sur la lisière du parc de Rukoko, actuellement regroupé au chef-lieu de la zone Buringa de la commune Guianga en province de Bubanza, sous le soleil, demandent d'être rétablis dans leurs droits pour retrouver leur domicile. Ces habitants qui ne veulent pas entendre de leurs oreilles un autre endroit que Kagaragara disent être affamés alors qu'ils avaient cultivé, certains après avoir contracté des crédits bancaires. Placide Niyomongere. Devant le bureau de la zone Buringa, ce n'est que des huttes en morceaux de sachets aux moustiquaires très serrés et certaines liées. Des moustiquaires tirés de leur maison lors de leur expulsion, explique-t-il. Ils nous servaient de protection à la maison. On nous a surpris. Celui qui en possédait est venu avec et celui qui n'en avait pas l'a demandé à ses voisins. Ces expulsés de la Rukoko, pendant la journée, sont sous le soleil accablant et pendant la nuit, sont frappés de froid et ne voient pas le comportement adopté en cas de pluie. Nous nous réveillons très froid. Si la pluie tombe, ça sera une question sérieuse. On n'a pas d'autre choix que de résister parce qu'on n'a pas où s'abriter. Ces habitants, bannis de rangées où se trouvent leurs champs, disent qu'ils vivent de la faim qu'ils avaient cultivée et certains, après avoir contracté des dettes, nous sommes très affamés. Nous avons des champs où nous avons semé du riz, ce qui allait sauver la vie de nos enfants. Tu vois que nos enfants ne vont plus à l'école et ont perdu tout le matériel scolaire. Est-ce que nous allons rester sous le soleil alors que nos cultures avaient besoin d'un suivi régulier et être irriguées pour rembourser les dettes contractées? Et par manque de quoi à manger, certains commencent à tomber malades. Les enfants vont bientôt périr à cause de la faim et ils sont malades également. Le gouvernement sait que nous sommes des êtres humains à Kagaragara. Pourquoi ils nous laissent mourir de faim? Ces expulsés encore, qui réclament leur droit pour retrouver leur village natal, demandent aux âmes charitables de leur venir en aide avant que la question soit résolue. Même son de cloche que le gouverneur de Bubanza, Tarcisse Niyongabo. Autre chose que nous demandons, spécialement aux ONG, spécialement à la Croix-Rouge, c'est de venir en aide à cette population, parce que nous trouvons et nous acceptons qu'elle est dans une situation désastreuse, angoissante. Au moment où certaines informations sur place disent que ces habitants, qui s'élèvent à 2000, vont occuper l'endroit appelé Kumasé, ils rejettent en bloc cette proposition, arguant qu'il s'agit d'un espace non viable et réservé à l'élevage des vaches. Placide Niyomongere qui a été à Kagaragara pour nous, avec d'ailleurs l'ombudsman burundais qui a promis la mise en place aujourd'hui d'une commission chargée d'étudier cette question. Edouard Ndouimana a même demandé au gouverneur de la province Bubanza d'autoriser à ces expulsés de Kagaragara d'aller dans leur champ pour récolter ce qu'ils ont semé. Et un conflit foncier a éclaté entre Francis Ngaruko et la population avoisinante dans le quartier Kizingwe de la zone Kanyosha. Nous sommes en mairie de Bujumbura. La population indique que la parcelle conflictuelle leur appartient, ce qui est nié par Francis Ngaruko, ajoutant être en possession de titres fonciers. Alida Naïkez. Cette propriété qui cause ces conflits, elle est d'une superficie de plus de 100 hectares. Elle est située à droite de la route Bujumbura-Rumonge, en traversant la rivière Kizingwe, qui divise le quartier de Kajiji et le quartier Ruziba. L'un de ceux qui réclament cette propriété dit que Sebatuti, le parent de Francis Ngaruko, s'est approprié cette parcelle indique également qu'ils ont approché la Commission nationale des terres et autres biens. Quand Sebatutsi est arrivé, il a occupé les terrains qui autrefois étaient exploités par un blanc. Il s'est ensuite approprié une autre partie qui appartenait à la population. Les propriétaires ont contacté la CNTB pour demander que leurs propriétés leur soient octroyées. La population a enfin approché Francis, fils de Sebatutsi, pour qu'il y ait un accord, mais sans effet. La CNTB a étudié le dossier et nous a renvoyé dans l'administration. On n'a pas de titre de propriété parce qu'à l'époque royale, ils ne croyaient pas de papier. Cela étant, Francis Garuko, lui, dit qu'il est dans son droit parce qu'il a les titres de propriété de cette parcelle. Légalement, j'ai le droit. Nous sommes successibles de Feu Sebatutsi Evariste, qui était notre père, qui a acquis la pleine propriété en 1972 au mois d'août. Il venait d'acheter la propriété aux colons qu'il avait acheté en 1945. Tout est clair. Je pense que la population a été manipulée parce qu'on a un titre de propriété en bonne et due forme et on a le droit avec nous. Toutes les parties demandent que la justice fasse son travail pour régler cette question. Alida Ndaikeza, à l'issue d'une réunion cet après-midi entre Francis Ngaruko, la population et l'administration de la commune Moura, ils se sont convenus d'analyser les documents présentés par les deux parties afin de trancher. Une courte pause et ce journal se poursuit avec l'adoption cet après-midi par l'Assemblée nationale du budget général de l'État exercice 2017. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire, le projet de loi portant budget général de l'État exercice 2017 a été adopté par l'Assemblée nationale ce jeudi. Certains des députés trouvent contradictoire le fait de parler de budget d'austérité alors que les impôts ont sensiblement augmenté. Beaucoup de discussions sont portées sur l'impôt locatif qui sera désormais perçu par l'Office bourronais des recettes OBR à la place des communes ou de la mairie. Alain Désiré Okayeneza pour les détails. Lors de l'analyse de ce projet, beaucoup de discussions sont portées sur l'impôt locatif qui auparavant était perçu par les communes ou la mairie conformément à la loi sur les taxes communales qui désormais sera perçue par l'Office burundais des recettes OBR. Certains disent que cela risque d'aller à l'encontre de la politique de décentralisation. Ils se sont finalement convenus à ce que l'OBR agisse sous mandat, quitte à ce que 60% reviennent aux communes ou la mairie et 40% au trésor public. Suivant les propositions des députés Zenon Daruvukanye et Pierre-Célestin Ndikumana. D'autres inquiétudes portaient sur le fait que le ministre des Finances qualifie le nouveau projet d'austérité. Le député Fabien Banchigani s'inquiète si ce ne serait que les simples citoyens qui sont concernés par les mesures d'austérité étant donné que les impôts ont augmenté. Le ministre des Finances Domitien Diokugayo, quant à lui, dit que ces mesures concernent les institutions dans leur manière d'exécuter les crédits. Il y en a d'autres comme Denis Carrera et Leopold Hakizimana, préoccupés par les voyages à l'étranger de certaines autorités qui prennent des places de luxe. Domitien Diokubgaye, ministre des Finances, dit que cela dépend de l'exigence du voyage et que dans la plupart des cas, il s'agit d'une prise en charge. S'agissant des barrages en cours de construction qui ne sont pas encore terminés, le ministre des Finances dit que les études sont en train d'être menées pour procéder aux urgences. Le projet de loi, qui est à hauteur de plus de 1326 milliards de francs burundais, a été adopté par l'Assemblée nationale par 110 députés, soit 96 présents et 15 procurations, avec une voix contre et zéro abstention. Merci Alain. On rappelle que ce projet a été préparé dans un contexte de gel des appuis extérieurs, comme l'a reconnu le président de la Cour des comptes hier devant les députés, et qui prévoit donc l'achat d'un nouveau charroi de l'État, remettant ainsi en cause la politique de charroi zéro, ce qui n'a pas manqué de soulever des questionnements au sein des députés. Ce projet de loi prévoit aussi de nouvelles mesures visant l'élargissement de l'assiette fiscale pour accroître les ressources intérieures. La délivrance des plaques d'identification pour les bicyclettes affectées au transport rémunéré est de la compétence des communes, selon le Code routier de 2012. C'est au moment où cette délivrance est aujourd'hui organisée par une association privée. Et pour les gilets que doivent porter les conducteurs de ces bicyclettes, la couleur est précisée par le ministère des Transports. Aubin Néoncourt. Selon cette loi du 23 novembre 2012, toute bicyclette affectée au transport rémunéré doit être munie d'une plaque d'identification délivrée par la commune. L'article 435 ajoute que ces bicyclettes doivent aussi être assurées. Cette délivrance est assurée aujourd'hui par une association sans but lucratif. Certains conducteurs de ces bicyclettes assurant un transport rémunéré, dit aussi taxi-vélo, déplorent qu'ils ne reçoivent même pas une reçue marquant leur acquittement pour avoir cette plaque d'identification. Pour les bicyclettes qui n'assurent pas un transport rémunéré, ce code exige seulement à leur conducteur un document délivré par la police attestant d'un niveau satisfaisant de connaissance du code de la route. Mais ce code est mué sur des plaques d'identification qui leur sont pourtant délivrées. Tout conducteur d'une bicyclette affectée au transport, selon la disposition suivante, doit porter pendant l'exercice de son activité un gilet aux couleurs fluorescentes déterminé par les services compétents du ministère en charge du transport. Merci Aubin. Et on termine ce journal avec notre correspondant Pascal Kararoumié, qui nous rapporte que la route reliant les provinces Karoussi et Muyinga est menacée par les travaux des gens qui vendent du moellon et une installation d'une usine de dépulpage du café. Ces travaux sont principalement localisés au niveau de la commune Tchombo de la province Karoussi. Son constat est confirmé par les responsables de l'administration et ceux de la police. Et du coup, les travaux de construction de cette usine ont été suspendus par le gouverneur de cette province de Karoussi depuis mercredi. Blaise Pascal Kararoumié. Au niveau de la colline Kivoga, de la commune Tchombo, dans la province de Karoussi, la route nationale numéro 12, reliant les provinces de Gitega, Karoussi et Muyinga, pourrait être menacée de destruction par des travaux de construction d'une usine, station de dépulpage du café, comme l'indiquent les habitants sur place. Cela est confirmé par le responsable de la police dans la province de Karoussi, qui, avec le gouverneur de la province, ont été sur place ce mercredi. Le commissaire provincial de la police indique que le gouverneur a par suite pris la décision de suspendre provisoirement les travaux d'installation de cette usine. Il explique que cette décision intervient après avoir remarqué que les travaux d'installation du chantier de cette usine pourraient réellement menacer cette route. Aussi, le coordinateur de la police et de la protection civile dans la province confirme que les travaux des gens qui vendent les moyens de construction menacent les bords de cette route au niveau de la partie de cette commune de Tchombo et une partie de la commune de Buhiga. Au PC de Nzeïmana Sylvestre, mais qui a déjà soumis cette question aux responsables de la province et ceux des communes concernées pour arrêter les travaux d'exploitation des moellons le long de cette route. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararoumié. C'est sur cette correspondance que nous refermons ce journal en vous rappelant que 22 décembre 2016, cela fait exactement 5 mois que l'on est sans nouvelles de notre confrère Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu. Il a été enlevé en zone Bugarama en province de Muramvya. C'était le 22 juillet de cette année. Des organisations de défense des droits de l'homme et particulièrement des journalistes, tant national qu'international, n'ont cessé de demander de la lumière sur cette affaire qui se trouve dans la main de la justice burundaise. Et nous gardons une pensée à toutes les familles des disparus et dont on n'a plus de nouvelles. Merci à tous invités aussi pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent. Une bonne soirée.